Chant numéro 8. C'était l'heure où s'empare un désir de rentrer de l'âme des marins et attendrit leur cœur, rappelant les adieux des doux amis absents, et qui trouble d'amour le pèlerin nouveau lorsqu'il lui semble entendre un son lointain de cloche, pleurant la mort du jour qui s'éteint longuement, lorsque, l'oreille enfin devenue inutile, je m'aperçus qu'une âme s'était soudain dressée, d'un signe de la main demandant audience. Elle joignit ensuite et leva les deux paumes, dirigeant son regard du côté du levant, comme pour dire à Dieu « Tu fais mon seul souci ». De ses lèvres jaillit un « Te lucis ante » avec tant de douceur et si dévotement qu'il finit par me faire oublier qui j'étais. Et les esprits dévots, aussi pieusement, firent cœur avec lui jusqu'à la fin de l'hymne, avec les yeux fixés sur les sphères d'en haut. Lecteur, aiguise bien maintenant le regard, car je te rends du vrai si transparent le voile qu'il devrait être aisé d'en pénétrer le sens. Comme je regardais la noble compagnie contempler longuement le ciel en se taisant, comme semblant attendre humblement quelque chose, je vis surgir d'en haut et descendre deux anges qui portaient à la main des glaives flamboyants à la pointe émoussée et privés de tranchants. Leurs tuniques semblaient plus vertes que les feuilles écloses fraîchement, et leurs deux ailes vertes la faisaient voltiger derrière eux dans les airs. L'un d'eux vint se placer au-dessus de nos têtes, et l'autre descendit sur la berge opposée, si bien que les esprits restaient entre les deux. D'où j'étais, je voyais très bien leurs têtes blondes, mais l'œil ne pouvait pas supporter leur regard, comme une faculté soumise à rude épreuve. « Ils arrivent, les deux, du giron de Marie, » expliqua Sordello, « pour garder ce vallon contre l'ancien serpent qui doit venir bientôt. » Et moi, qui ne savais quel était son chemin, je regardais partout et courus me blottir, glacé par la terreur, contre l'épaule amie. Sordello poursuivait. « Descendons maintenant parmi ces grands esprits et allons leur parler. C'est avec grand plaisir qu'ils vont vous recevoir. » En trois pas que je fis, j'étais déjà là-bas, et j'y vis un esprit qui m'observait moi seul, comme s'il eût voulu connaître qui j'étais. C'était à l'heure où l'air devient épais et noir, pas assez cependant pour cacher à nos yeux ce qu'il semblait d'abord vouloir nous refuser. Il s'avança vers moi, moi je partis vers lui. Noble juge Nino, quel ne fut mon plaisir de voir que tu n'es pas parmi la gent damnée. Nous n'oubliâmes lors aucun salut courtois, puis il dit « Depuis quand es-tu venu chez nous, sur l'infini des eaux, au pied de la montagne ?» Je lui dis « J'ai passé par le triste séjour ce matin, mais je suis dans ma première vie, et j'aspire à gagner par ce voyage un autre. » Et m'ayant entendu répondre ainsi, lui-même, ainsi que Sordello reculèrent d'un pas, comme ceux qu'assaillit un trouble inattendu. L'un courut vers Virgile, l'autre vers un esprit qui l'attendait assis, et lui dit « Viens, Conrad, viens pour voir ce qu'a fait la volonté de Dieu. » Puis, se tournant vers moi, « Par la rare faveur que tu dois à celui qui s'est si bien caché, son mobile premier, qu'on n'en voit pas la clé, quand tu seras chez toi, par-delà l'océan, vois ma Jeanne, et dis-lui qu'elle implore pour moi au trône où l'innocent est toujours écouté. Je pense que sa mère a cessé de m'aimer depuis qu'elle a quitté les blancs bandeaux des veuves, qu'elle ne peut qu'en vain regretter à présent. Son exemple suffit pour montrer clairement combien peu chez les femmes dure le feu d'amour que n'entretiennent plus les regards, les caresses. Le Milanais qui met dans ses armes la guivre ne lui fera jamais de plus belles obsèques que celles que le coq lui promit à Galure. » C'est ainsi qu'il parlait, et il portait la marque, visible sur le front, de la juste colère qui prend au cœur prudent de façon modérée. Moi, je portais souvent mon regard curieux vers le ciel, où tournait l'étoile la plus lente, comme le fait la roue au plus près de l'essieu. Que cherches-tu là-haut, mon fils ? Me dit mon guide. Je regarde, lui dis-je alors, les trois flambeaux dont la splendeur paraît embrasser tout le pôle. Les quatre astres, dit-il, dont la belle lumière t'a paru ce matin, se sont cachés là-bas, et tu vois maintenant d'autres qui les remplacent. À ce même moment, Sordello lui fit signe en lui disant « Vois-tu là-bas notre ennemi ?» et en pointant du doigt l'endroit qu'il lui montrait. Au bout où s'évasait la petite vallée, un serpent s'avançait, pareil sans doute à l'autre dont Ève prit jadis le fruit le plus amer. Cet animal abject rampait parmi les fleurs, tournant parfois la tête et se léchant le dos, comme les bêtes font pour se lisser le poil. Comme je n'ai pas vu, je ne pourrais pas dire comment prirent leur vol les deux oiseaux célestes, mais je les ai bien vus, l'un et l'autre voler. Sentant passer dans l'air le vol des ailes vertes, le serpent prit la fuite, et les anges revinrent, d'un vol toujours égal, et reprirent leur place. Pendant ce même temps, l'esprit qui s'était joint au juge, lorsqu'il l'eut appelé par son nom, ne m'avait pas quitté du regard un instant. Puisse, dit-il enfin, la torche qui te guide, trouver dans ton esprit l'aliment nécessaire pour te faire arriver au suprême séjour. Si tu veux par hasard me donner des nouvelles, soit du Val de Magra, soit du pays voisin, dis-moi ce que tu sais, car j'en fus le seigneur. On me nommait jadis Conrad Malaspina. Je ne suis pas l'ancien, mais je descends de lui. J'ai pur ici l'amour que je portais au mien. Oh, répondis-je alors, je n'ai jamais été dans votre région, mais quel endroit d'Europe ignore-t-il encore sa grande renommée? La réputation dont jouit votre nom apprenait les seigneurs et leurs contrées, en sorte que sans la visiter, on pense la connaître. Et je crois, aussi fort qu'en l'espoir de là-haut, que ta noble maison n'est pas en train de perdre la gloire qu'elle obtint par la bourse et le glaive. La nature et le droit lui font ce privilège, car si le chef pervers met le monde à l'envers, seule elle marche droit et se rit des écueils. Va donc, dit-il alors, le soleil n'ira point coucher plus de cette fois au lit que le bélier lui prépare et lui couvre avec ses quatre pattes, avant que cette même opinion courtoise ne se fixe à jamais dans ta tête et se cloue, avec des clous plus forts que les discours d'autrui, si Dieu ne suspend pas le cours de ses décrets.